Le chat et le koala. Et puis le lion. Et encore le chat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, bis. J'ai vu un koala avec un harmonica. Avec un autre harmonica et le lion avec une trompette. Ils ont perdu les partitions et jouent comme des patachons.